Yeah, yeah. Nécessité, médine. Qui veut la paix, prépare la guerre. Destin morflé. Y'a des dégâts internes, mais reste orphée. Snob la tchatch avec Morphée. Sors ma vérité des notes écorchées. Toujours prêt, tout pour plaire, garde les traites. Prendre du recul, ce n'est pas battre en retraite. Des conseils sont tombent, des concessions refraient. S'ouvrir au monde avec un grand arrêt. On a le choix de l'arme, les joies. Le bouffe ou savoir traverse des mâchoires. Parce que nos potes sont trop tachés. Car on sait que nos blocs supportent assez. Au point sensible, ma cause est censée s'irriguer. T'as adversaire à de quoi s'intriguer. Cesse tes salades, genre la lande à la dame. Mon histoire est fiable, valable sous les bas saladins. Faux, économise tes pronostics. Mate le chrono, par les temps qui courent. L'amour est porno, petit. Tu sais où se trouve la terre promise. Ira nulle part sans jupe ni chemise. Avant la perte de mémoire, on est comme le cliquetis. Juste avant le coup qui part. Retrouve la paix dans nos foyers. Nos caravanes restaient en marche quand les chiens aboyaient. Avant la guerre. Avant la perte de mémoire, on est comme le cliquetis. Juste avant le coup qui part. Retrouve la paix dans nos foyers. Nos caravanes restaient en marche quand les chiens aboyaient. Le ghetto savait, et ce depuis l'intro des naissés. Mise à l'essai, on m'a choisi quand gros naissait. Reconnaissez que les méthodes sont censées. Comme à l'époque où les peuples du monde s'en reconnaissaient. Derrière mon micro prépare les hostilités. Pilosité trop développée oublie mon utilité. Tout pousse à croire qu'ils ont verrouillé les portes. Et Mathéo s'est converti dans une chambre à New York. Viendra le jour où s'arrêtera notre combat. Et on rafalera nos discours comme Patrice Lumumba. C'est sincèrement qu'on essaie d'apporter nos bris. D'éviter qu'on incendie les bouquins sur la place publique. Au bout du chemin j'ai rencontré mon passé. Une centaine de policiers, toute une armée de croisés. Un comité d'accueil le même que pour mes frères. Ils m'ont dit tu veux la paix, prépare-toi à faire la guerre. Avant la guerre. Avant la perte de mémoire, on est comme le cliquetis. Juste avant le coup qui part. Retrouve la paix dans nos foyers. Nos caravanes restaient en marche quand les chiens aboyaient. Avant la guerre. Avant la perte de mémoire, on est comme le cliquetis. Juste avant le coup qui part. Retrouve la paix dans nos foyers. Nos caravanes restaient en marche quand les chiens aboyaient. Évolue en champ de mise. J'ai la couleur du maquis. Mélancolie brute. Même le maquis kaki. Nadisti de la lignée, linéa l'acquis. Afrique, marque de fabrique. Pas besoin que je me maquille. C'est le reste du monde contre le reste du monde. Présente mon tiers monde, l'avantage du surnom. Reste brave même dans l'échec. Espoir inavoué avant le décès. Effacer nos fautes, voilà mon jouet. Ce qui te plaît, moi j'ai fait le vœu de jamais vesquer. On verra vraiment ce que l'on vaut sous le feu de nos ennemis. J'ai le cœur sur la main, c'est que les miens me l'ont arraché. Si la paix est sous une bâche frais, c'est qu'on va tous y passer. Armée avant de les pas bombarder. Révolution jamais en retard, toujours retardée. Le ghetto apporte la mort comme la CC. NSC, le silence veut pas dire que le feu a cessé. Et quand le fiche te tord, les substances t'endortent. Les flics s'informent, d'une record s'en sort. Jeune vétéran décoré du revers de la médaille. J'suis en mode jihad, parole de père et fils d'Abdoulaye. Prépare la guerre. Tu veux la paix, prépare-toi. D'une record, on est là. Prépare la guerre. Avant la perte de mémoire, on est comme le cliquetis. Juste avant le coup qui part. Retrouve la paix dans nos foyers. Nos caravanes restaient en marche quand les chiens aboyaient. Avant la guerre. Avant la perte de mémoire, on est comme le cliquetis. Juste avant le coup qui part. Retrouve la paix dans nos foyers. Nos caravanes restaient en marche quand les chiens aboyaient. Tu croyais que